Bienvenue à Méloman, émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 21 septembre 2016 de Méloman. Nouvelle formule de 20h à 22h maintenant. On va le dire jusqu'à la fin du mois. Question de s'habituer un peu. Comme toujours, gros merci de vos beaux commentaires la semaine passée. Très content de partager toute cette belle musique avec des gens qui l'apprécient. C'est toujours très plaisant. En passant, mes excuses à Mme Boursier pour avoir un peu empiété sur son émission la semaine dernière. Ça ne se reproduira plus, promis. Mais ce soir, on a encore une fois un programme complètement différent. On est le 21 septembre, ce qui veut dire que c'est l'équinoxe d'automne. Et s'en prenait pas plus pour qu'on célèbre ça en grand, en musique, comme toujours, ce qui va nous donner une émission tout en ambiance feutrée, tout indiqué pour les besoins de la cause. Et aussi parce qu'on se mentira pas, des chansons d'automne, c'est pas ce qui brasse le plus en général. Mais attention, ça veut pas dire qu'il y aura pas une foule de découvertes à faire tout au long de l'émission avec ses petits bijoux habituels. De la très belle musique ce soir, la seule contrainte étant que ça parle d'automne ou que ça évoque l'automne ou le mois de septembre dans lequel on se trouve. Donc ça peut venir de n'importe où ou de n'importe quand. Et d'ailleurs, on commence ça tout de suite en 1967 avec les Kinks, 99 ans, CFNJ. See? septembre, entre la pluie et l'hirondelle, seule dans ma chambre, au cœur de septembre, quand vient la nuit, je me rappelle, seule dans ma chambre, nous vivions ensemble d'un cœur nouveau, des amours nouvelles. Seule dans ma chambre, la vie était tendre et belle. Septembre, plus gris que bleu, tu te rappelles l'arbre qui tremble au vent de septembre et la prairie. We'll be right back. tell you what he loves the most. And you know why you love at all if you're thinking of the Holy Ghost. If you're thinking of the Holy Ghost. I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. See you in September. See you when the summer's through. Here we are, saying goodbye at the station. Tempos en 1959 avec l'excellente See You in September, une belle cha-cha qu'on vient d'entendre sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ pour nul autre que le spécial équinoxe d'automne de Mélomanes en ce 21 septembre, donc en plein dessus. Toutes des chansons qui évoquent évidemment l'automne, comme les White Stripes qu'on a entendu juste avant avec Dead Leaves and the Dirty Ground de 2001. Une petite pièce de rock garage pour épicer un peu la soirée, qui était précédée d'une magnifique chanson, une reprise francophone en fait de Try to Remember, qui a été popularisée par plusieurs artistes, dont Harry Belafonte, qui en a fait une très très belle version. Mais c'est par la grecque, notre grecque préférée, Nana Mouskouri, qu'on l'a entendu ici, sous la forme tout appropriée de Au cœur de septembre, sorti en l'an de grâce 1967, tout comme les Anglais des Kinks avec le petit chef-d'œuvre Autumn Almanac, une chanson qui, mine de rien, contient au moins 6 ou 7 parties différentes en à peine 3 minutes. Ça, c'est le génie de Ray Davies, compositeur principal des Kinks. Ça vaut la peine de découvrir leur œuvre. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté le méga band Earth, Wind and Fire avec tout simplement September, gros hit que tout le monde connaît, sorti en 1978. Et là, écoutez, on en a déjà parlé de ça à l'émission il y a un petit moment déjà, mais là, c'est le temps ou jamais d'en reparler. Donc, c'est ce qu'on va faire, mais de l'autre côté du bloc, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'une chanson légendaire et de son hommage. Et c'est justement avec son hommage qu'on commence ça à l'instant. On écoute Serge Gainsbourg, 99 ans, CFNJ. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent

love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. tumbling down, remember, in September, in the rain, the sun went out just like a dying ember, that September, in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. Ooh, that September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September in the rain. I said that September in the rain. Et vous êtes toujours sur les ondes de CFNJ au 99.1 et 88.9 FM, ou encore tout simplement sur CFNJ.net pour un mélomane spécial équinoxe d'automne ce soir en plein 21 septembre. Et c'est la grande Dinah Washington qu'on vient d'entendre avec September in the Rain de 1960. Dinah Washington qu'on connaît beaucoup pour son hit What a Difference a Day Made, mais qui a fait plein d'autres trucs intéressants. Donc ça vaut la peine de regarder de ce côté-là. Mais là, juste avant, une des pièces maîtresses de la soirée d'un grand compositeur qui, très subjectivement, peut faire très automnal. Du moins, moi, je mets ça, je me mets à écouter chaque automne ce compositeur-là. Je sais que je suis pas le seul. Il s'agit du grand Johannes Brahms, compositeur romantique allemand. La période romantique, évidemment, c'est pas un trait de personnalité qu'on a entendu ici avec le très beau troisième mouvement Poco Allegretto de sa troisième symphonie en fa majeur, son 90e opus composé en 1883, un air très mélancolique qu'on va retrouver dans le pop par la suite. Là, Sinatra va chanter ça dans Take My Love, Gainsbourg, Santana. Et du Brahms, on va en réentendre dans la soirée. Vous allez voir, ça fait très automne et c'est toujours magnifique, peu importe le genre auquel il s'adonnait. Donc, on en reparle. Et sinon, eh bien, c'est pas les grands qui manquaient dans notre bloc. La légende Coltrane, juste avant John, de son prénom, qui accompagnait ici Johnny Hartman en 63 pour la sérénade d'automne, Autumn Serenade, qui était précédée d'un très bon groupe indie anglais du nom de Bombay Bicycle Club, que je vous encourage à découvrir d'ailleurs avec tout simplement Autumn de 2009. Et notre fameux début de bloc, écoutez, on a entendu la semaine passée une version de Cannonball Adderley accompagnée de Miles Davis d'Autumn Leaves, pièce légendaire composée originalement par Joseph Cosma sur un texte du grand poète Jacques Prévert qui s'appelait bien sûr Les Feuilles Mortes. Et c'est pas mal Yves Montand qu'on a entendu, qui est un des premiers à avoir popularisé la chanson. Donc c'est sa seconde version de 62 qu'on a entendu ici, précédée d'un célèbre hommage aux fameuses Feuilles Mortes, soit la chanson de Prévert de Serge Gainsbourg en 61. Tout ce qu'il y a de plus naturel en ce spécial équinoxe d'automne qui se poursuit à l'instant avec New Order, 99.1 CFNJ. There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. FNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. Time hurries on, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl, I held her close, but she faded in the night. Like a poem I meant to write, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away, and they never made a sound, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Hello, hello, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. That's all there is, and the leaves that are green turn to brown. Centre et sud de la Naudière, pour les prochaines heures, quelques nuages, un minimum de 12 degrés. Averse qui débute en après-midi, jeudi, maximum 18. Et ensoleillé vendredi, maximum 19. Les secteurs du nord, Saint-Michel et les environs, quelques nuages cette nuit, minimum de 9 degrés. Pluie intermittente qui débute en mi-journée, jeudi, 10 à 15 mm, maximum 17. Et retour du soleil vendredi, maximum 17. CFNG. Les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est en septembre quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée au grand soleil. Mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée, c'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et oui, on fête l'équinoxe d'automne ce soir, en ce 21 septembre. Premier jour d'automne et malheureusement dernier jour d'été. Et Beko, qu'on vient d'entendre avec cet En septembre, succès de 1978, une chanson coécrite, imaginez-vous, par Neil Diamond. Et c'était précédé par N'avait confi, groupe du Beauceron Jean-Philippe Fréchette, avec tout simplement Automne de 2006, qui suivait nul autre que nuls autres, plutôt au pluriel, Simon & Garfunkel en 66 avec Leaves That Are Green qui nous parlait des feuilles qui changent de couleur, tout simplement une chanson écrite par un jeune Paul Simon de 21 ans qui nous vient de l'album Sounds of Silence. Je vous laisse deviner c'était quoi le gros hit sur cet album-là. Et on a aussi entendu une magnifique chanson composée en 1933, un standard qui a été repris par à peu près tout le monde depuis. Et on en a entendu une des versions définitives, sinon la version définitive, soit celle de la grande Etta James, enregistrée à Chicago en 1960, chez Chess Records, label de blues légendaire duquel on a déjà parlé à quelques reprises. Et tout ça amorcé de manière tout à fait improbable par New Order à ses tout débuts, donc juste après la mort d'Ian Curtis de Joy Division, qui va devenir New Order, qu'on a entendu avec Ceremony, donc une cérémonie d'automne, d'équinoxe d'automne de 1981, qui avait encore beaucoup de relents, la pièce de Joy Division. C'est normal, la transition se fait pas toujours très, très clairement, mais c'est toujours très bon. Bref, nous, on y retourne, 1967, un après-midi d'automne avec le groupe The Association, au 99 ans, CFNJ. Pathetic leaves, they fall like teardrops on an autumn afternoon. Melancholy breeze, a sigh of sadness, our love has gone so soon. They share my gray mood on an autumn afternoon. Disappointed birds, they're much too sad to even sing a simple tune. They help me cry and empty all this pain I hide inside. For it was qu'il fera de briser le champ. chaleur. Elle est sur mon bras, soudain derrière mon pas. Elle va où elle va, je ne la retiens pas. 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest moon. What should I write? What can I say? How can I tell you how much I miss you? The weather here has been as nice as it can be. Although it doesn't really matter much to me. For all the fun I'll have while you're so far away. It might as well rain until September. I don't need sunny skies for things I have to do, 'cause I stay home the whole day long and think of you. As far as I'm concerned, each day's a rainy day. So it might as well rain until September. Forward to their picnics on the beach. Yes, everybody loves the summertime. But you know, darling, while your arms are out of reach, the summer isn't any friend of mine. It doesn't matter whether skies are gray or blue. It's raining in my heart, 'cause I can't be with you. I'm only living for the day you're home to stay. So it might as well rain until September. September. It might as well rain until September. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Thank you. Et vous êtes toujours en plein spécial équinoxe d'automne, Méloman, sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9 FM, bien sûr. Et un compositeur de l'époque romantique qu'on découvre ce soir pour l'occasion, soit Brahms, que j'espère vous faire découvrir du moins. On a entendu un extrait d'une de ses symphonies tantôt, mais là, c'est son œuvre pour piano qu'on a visité, qu'on a exploré ici avec une petite surprise, comme vous avez sûrement remarqué. Donc, de Johannes Brahms, on a entendu son intermezzo pour piano à mi majeur. Il s'agit de l'opus 116 numéro 6, composé en 1892, mais dans une version qui a pris une petite tournure jazz par David Benoit en 2003. Et c'est pas tout, vraiment un petit hommage à Brahms on the side, parce qu'on a aussi entendu un petit bijou sublime pour chœur mixte cette fois-ci, soit In Stiller Nacht, dans le silence de la nuit, donc de 1895, et interprété magnifiquement par le Rias Kammerchor, dirigé par Marcus Creed, qui est toujours garant de qualité. Bref, tout ça qui a l'air bien pointu, mais j'espère vraiment que vous avez ressenti les choses, parce que c'est là que ça se passe, des fois les mots nous font défaut. Mais avant d'être sérieux comme ça, on a aussi entendu l'idole de jeunesse Bobby V avec « It Might As Well Rain Until September » de 1963 et qui, il faut le dire, ressemble pas mal à son plus gros hit « Take Good Care of My Baby ». Et sinon, « Harvest Moon », »,« La lune des récoltes », classique de Neil Young avec accompagné des Stray Gators et non pas du Crazy Horse en 92. Donc quand même assez tard dans sa carrière. Une chanson qui suivait ce cher Gilles Valiquette avec la très appropriée « Bruine d'automne » qui nous venait à son tour du long jeu « Soirée d'automne », un album de 1975. Et tout ça qui avait commencé avec « The Association », un groupe californien en 1967, avec « Autumn Afternoon », une chanson qui a eu plusieurs incarnations au fil des années. Je vous conseille d'ailleurs la version aussi des « Sandpipers » de 1970. Mais pour l'instant, on vire notre capot de bord avec des vétérans de l'indie rock américain. Et parce qu'en automne, on sort notre chandail chaud, on écoute Autumn Sweater de Yo La Tengo, 99.1 CFNJ. perdu à ce rendez-vous d'automne où tu n'es jamais venu. Je la dois à ton oubli, cette larme sur ma joue. Ce n'est rien qu'un peu de pluie. Sera tout. Quel chemin pourrais-je prendre pour me détacher de toi, qui n'a pas su me comprendre quand tu étais près de moi. Mais pendant que tourbillonne feuilles frissonnent et s'envolent à jamais. Je la dois. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. If you're traveling in the North Country Fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true lover man. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long, it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember. remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Traveling the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Et c'est là-dessus que se termine notre ambiance feutrée de l'équinoxe d'automne qui avait lieu en plein ce soir, en ce 21 septembre. On vient d'entendre, comme la semaine passée, un autre classique de Dylan en 63, soit Girl from the North Country de l'album de Free Will and Bob Dylan. Il va aussi la reprendre en 68 avec Johnny Cash. On a aussi entendu des vétérans de la scène indie. Il y en a eu quelques-uns ce soir, soit les Flaming Lips avec My Cosmic Autumn Rebellion de 2006, qui suivait un classique des classiques, Early Autumn de Woody Herman en 1949. Que vous connaissiez sûrement sans le savoir et qui était à son tour précédé d'un trio magnifique avec The Wind de Cat Stevens en 71, de Françoise Hardy, qu'on a aussi entendu la semaine passée, c'est rare qu'on fait ça, avec Rendez-vous d'automne de 66 et du groupe Yo La Tango avec Autumn Sweater de 97. Donc c'est déjà tout pour notre spécial de ce soir. J'espère que vous avez apprécié. C'était un peu plus méditatif qu'à l'habitude, disons. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre édition de Mélomanes, mercredi 20h. Et je vous laisse au bon soin de Madame Boursier et son émission Blues-moi. Mais juste pour bien terminer la chose, je vous laisse avec deux voix caverneuses. Deux voix caverneuses. Une de qui c'est la fête aujourd'hui. Et l'autre, c'est Lee Hazelwood, qu'on écoute sur les ondes du 99.1 CFNJ. Bonne semaine. Kiss all the pretty ones goodbye. Give everyone a penny that cries. You can throw all my tranquil pills away. Let my blood pressure go on its way. 'Cause my autumn's done come. My autumn's done come. Done come. Let those I don't care days begin. I'm tired of holding my stomach in. No more slinky folk dolls for me. I'll take Sears and Roebuck dolls gladly. 'Cause my autumn's done come. autumn's done come, done come. No way to say goodbye.